lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Hind à Brezonek, Kentel Pemkan, Pemzek. Henri, 515. 515, oui. Marignan. Elle est bonne, celle-là. C'est oui. Pas Marignan. C'est pas Marignan. 515, c'est 1515. Il va falloir que je révise mes classiques. Je vais le laisser, celui-là. Henri, donc, avant l'émission 1515, qu'on fera sans doute un jour. Oui, c'est oui. Pour l'or, la 515 de Hinter Brezonek. Oui. On commence par Gerioir Vue. Oui, voilà. Alors, aujourd'hui, je pensais parler d'un mot... très courant, hein. Crib, K-R-I-B, qui est un vieux mot celtique qu'on trouve aussi en gallois et en cornique, et qui veut dire le peigne. Qui veut dire peigne. Crib, peigne. Alors c'est un mot féminin, donc avec l'article, ça ferait heure grippe. Ça fera heure grippe, voilà. Et il y a un pluriel qui est cribou, hein, pluriel régulier. Alors, avant de commencer, j'ai cherché la définition dans le Petit Robert, et je l'ai trouvée assez savoureuse. Instrument à dents fines et serrées qui sert à démêler et à lisser la chevelure. C'est pas mal. C'est joli. Ah, c'est pas mal, oui. C'est poétique. Alors, le mot français peigne, hein, vient du latin pecten, hein, qu'on utilise aussi pour certains coquillages, comme les coquilles Saint-Jacques, par exemple, hein, qui ont une forme de peigne. Alors, il existe toutes sortes de peignes. Hein, par exemple, il y a des peignes pour fixer la chevelure, d'autres pour démêler les fibres, toutes sortes de fibres, par exemple, le lin, le chanvre, la laine. Voilà. Alors, quelques expressions en français, parce que c'est un mot très ancien, hein, c'est un instrument dont l'origine se perd dans la nuit des temps, comme on dit quand on ne sait pas donner d'autres explications. Passer au peigne fin, par exemple, hein. Peigner la girafe. Alors en breton, c'est cribador por el güey. Peigner le petit cochon sauvage, mais peigner la girafe, je comprends même pas. Peigner la girafe, ça veut dire faire quelque chose d'inutile, quoi. Ah, hein, autant aller peigner la girafe, quoi. D'accord. Et en breton, c'est peigner le sanglier. Hein, cribador por el güey. D'ailleurs, on disait souvent cribador por el güey. Hein. Peigner comme un sanglier, parce que qui n'est pas connu pour une chevelure bien lissée, quoi. Voilà. Alors les peignes sont à l'origine souvent en corne, hein. On en a fait en écaille aussi, en écaille de tortue, hein. En bois, hein, par exemple pour les textiles, hein. C'est un instrument en bois, hein, qui a tendance à dire qu'on voit plus dans les musées aujourd'hui. Voilà. Alors, dérivé de criban. Alors, le verbe criban, hein, ou cribat, hein, qui veut dire peigner, participe passé crib, hein, crib fal, crib mode, bien peigné, mal peigné, voilà. Alors, criben, une crête, hein, une crête d'un coq, par exemple, d'une montagne, ou d'une personne, hein. C'est un mot féminin, alors griben, hein. Alors, il y a plusieurs formes, hein. Criben, cribble, clippen aussi, hein. Donc, des expressions. Blé criben ma, des cheveux bien peignés. Blé cribellet, c'est assez curieux parce que ça veut dire des cheveux en crête, hein. Donc, quoi, ça existait depuis longtemps. Bah oui. Hein. On n'a pas attendu les ramoneurs de menhir. On n'a pas attendu les ramoneurs de menhir, voilà. Cribellet, donc, peigné en crête, hein. Voilà, cribat, je l'ai déjà dit. Hein. Oui, une expression avec cribat, par exemple, que ma grand-mère employait parfois. Cribat gant a rastel. Peigné avec un râteau. Pas bien peigné, quoi. C'est pas bien peigné, quoi. Le râteau, justement, est un instrument assez proche du peigne, hein, sauf qu'il a les dents plus écartées, quoi. C'est pas tout à fait le même principe. On dit aussi peigné avec les pieds du réveil, mais bon, c'est... Oui. Voilà, crib grande rastel. Alors, criber, c'est le peigneur, hein, celui qui peigne. Alors, on le trouve aussi sous forme réfléchie, hein, un non-gribat, au non-gribat, se peigner. Forme qui, selon Martial Ménard, n'est pas à employer, parce que en breton, on doit dire crib d'Ivléo, un peignet sèche-cheveux. Hein. Donc, au lieu de dire se peigner, on va dire peigner sèche-cheveux. Et c'est vrai qu'en français, on a tendance à dire ça ici en Bretagne. Oui, complètement. J'ai peigné mes cheveux. Tu as lavé tes dents. Voilà. Voilà. Voilà. Alors, le verbe cribinon aussi, qui est dérivé de cribat, qui est s'érancer. Alors, c'est un verbe qu'on ne trouve plus tellement dans la langue française hein, d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est utilisé pour le chanvre, par exemple, ou le lin. C'est le travail du s'éranceur, celui qui peigne la fibre hein, pour la lisser et la démêler, quoi. Je crois qu'on peigne les groseilles aussi pour oui, ramasser. Oui, les myrtilles. Les myrtilles. Les myrtilles, oui, les myrtilles. Un Montelusade. Hein. Oui, on fait ça avec un peigne. Hein. Alors, le verbe cribade est parfois employé aussi pour dire voler. Hein, pour subtiliser. C'est de façon plaisante, quoi. Il y a aussi l'expression cribengar, qui est le devant de la jambe. Hein. Une expression aussi, cribadiben du nom de Benekad. Hein. Peigner la tête de quelqu'un, ça veut dire le réprimander. Hein. Crib mezi bendant, je lui ai passé un savon. Hein, voilà, c'est on retrouve la même histoire. Hein. Voilà. Alors des expressions avec la fameuse clippen, la crête. Hein. Disken i glippen du nom de Benekad, ça veut dire lui rabattre le caquet. Hein. Alors il y a d'autres expressions avec isolé y gribble, hein, sa crête est basse, hein, il fait profil bas, quoi. Le contraire, c'est zévelra y gribble, hein. Il est fier, il est prétentieux. Et puis, il y a aussi, pour démêler les cheveux, on emploie aussi diluant. Il y a un Z au milieu qu'on prononce pas, nous. Diluant. Diluer des yvelets, ça veut dire, ses cheveux sont démêlés, mais c'est peigné grossièrement, quoi. C'est vraiment, quand ils sont très emmêlés et qu'on passe un peigne dedans, quoi. Ou on dit divescant aussi, hein, divescant, pour démêler les cheveux, quoi. Bon, ben, gamin, mon temps trop ou à la grippe. Il y a un autre moment où on voit les hommes qui peignent beaucoup, c'est à la foire aux chevaux de Bulat Pestilla. Ah, bah oui, voilà, bah oui, bien sûr. On est surpris par l'habileté qu'ils mettent en œuvre pour tresser et peigner leurs chevaux. Peigner les chevaux, bien sûr, la crinière, hein. Voilà, on parlera de la crinière un jour. D'accord. On en reste là, Henri, pour le mot crib, le peigne, et on passe à Brézonec Tamatamb. Brézonec, Tamb à Tamb, on continue de découvrir un peu des mots gaulois, c'est ça, ouais. Henri? Oui, c'est à la mode en ce moment. Non, j'ai entendu qu'un candidat à la présidence de la République voulait nous assimiler aux Gaulois, alors on est dans l'air du temps, tu vois. C'est Nicolas Sarkozy. Oui, c'est ça, oui. Alors, on avait terminé sur Tanguy, hein, le chien de feu, ouais. Voilà. Et alors, Dago, D-A-G-O, qui veut dire bon, et qu'on retrouve en gallois, c'est da, hein, l'équivalent de mad en breton. Et puis, donc, par exemple, en gallois, on dit yerda pour yermat. Et puis, on dit yada aussi en breton, voilà. Alors, une racine qui est indo-européenne et qu'on retrouve dans beaucoup de langues, c'est dek, hein. Dek qui veut dire 10, comme en breton. Delgir, c'est un verbe en gaulois qui veut dire tenir, hein, et qui est à rapprocher de der en breton, quoi. Derhal, c'est tenir en breton, c'est la même, une forme très voisine. Dervo, D-E-R-V-O, bien sûr, c'est le chêne. Hein. Alors qu'on trouve, on trouve ça en français dialectal dans beaucoup d'endroits, hein, dans beaucoup de régions, hein, et ça correspond plutôt au chêne pédonculé, c'est-à-dire au chêne qu'on trouve ici. Alors il y a beaucoup de, parce qu'il y a une autre forme, c'est Cassanos, hein, dont on a déjà parlé, hein, qui correspondrait plutôt au chêne rouvre. Mais bon, c'est les deux cohabitent, hein, dans une certaine partie de la France. Alors, donc c'est une racine indo-européenne, hein, qu'on trouve dans le grec aussi, drus, hein, et même en sanskrit, hein, c'est darve, hein, donc une forme, voilà, et en breton, der, bien sûr, hein, orven der, un chêne. On n'entend pas le O. Hein? Souvent on met un V, mais on l'entend pas non plus, orven der, quoi. Et par contre, on peut dire derven aussi, hein. Là, on entend le V, quoi. Voilà. Devo qui veut dire Dieu, hein. Là aussi c'est une racine indo-européenne qu'on trouve par exemple dans le grec théos, le latin deus, hein, et doué en breton, hein. On a fait il n'y a pas très longtemps une émission sur ça, doué, voilà. Alors dio, le jour, hein, en gaulois, donc proche aussi du latin dies, hein, et du breton dé, hein, voilà. Et donc on trouve ça dans toutes les, c'est pour ça qu'on dit lundi, mardi, mercredi, on trouve ça un peu dans toutes les langues indo-européennes. Dula, c'est la feuille, donc en breton c'est déliena, voilà, déliou pour au pluriel, voilà. Alors le mot deux, hein, c'est doux en gaulois, hein. Donc c'est une racine indo-européenne aussi, hein, qu'on trouve dans le latin duo par exemple, hein, voilà, et dog en breton. Dubis, D-U-B-I-S, qui veut dire noir, hein. C'est l'équivalent de du en breton, hein. Alors on trouve ça par exemple en irlandais, le Dublin, hein, Dublin, le lac noir, hein. Et il y a le Doubs aussi, hein, le fleuve, hein, qui a la même origine, hein. Le Doubs, hein. Dans le Doubs, abstiens-toi, disait la... comment on dit. Qui disait ça? Non, c'est une... c'est une grosse blague. Voilà. Dubro, D-U-B-R-O, qui désigne une eau courante, hein, et qu'on trouve dans de très très nombreux hydronymes, hein, des noms de rivières. Par exemple, le Douro, hein, au Portugal, et il y en a pas mal en France aussi, hein. Dubro, donc à rapprocher du mot Dour en breton, hein, tout simplement. Voilà. Alors Duno, colline, hein, qu'on trouve, qui a donné le mot dune en français, hein, et qu'on trouve dans de nombreux noms de lieux en France, par exemple Verdun, hein, Lugdunum aussi. Lugdunum, c'est la colline de Lug, le dieu Lug, qui a donné Loudun, Laudun et Lyon également, hein. Voilà. Pour Dunum, hein. C'est très il y a Châteaudun aussi, hein. Bon, c'est, on trouve ça dans de très nombreux endroits. Et dans les langues celtiques, on trouve Teven, hein, donc qui désigne la dune en breton. Voilà. Durnos, D-U-R-N-O-S, c'est le poing, la main fermée, et qui est, qu'on dit d'ailleurs, d'orne en breton, c'est la main, hein, en gaulois c'était plutôt le poing, et on retrouve ça en occitan aussi, hein. Voilà, donc d'orne, hein, d'orna, on trouve pas mal d'endroits comme ça. Par exemple en occitan, d'orna c'est la cruche, hein, parce que on la tient avec le poing, avec la main. Voilà. Alors bon, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, parce qu'on était déjà assez long sur la première partie. On va en rester là pour aujourd'hui. Et on passe à Petra Zonevervro. Eri, Petras au Neve, Arvron. Ben, Calzedro et Veljus, Boervé, je dis vous en. Krogom, Velkis, Acustum, Gandela, Bourdouar, Agevu et Warmes. Erui, Omtos, vraiment de fine nan. De Ndowarnu, Gundesemisman, Evo, Ndiskaramzer. Adon de Rayadar, et Erhuls, de Zer, et Ermaïs, et Betraves. Ade, Hadan, Erguin, Isguan. Plus dur, trop drôle de Zanfanche, Bamizhir et Verhard de Guinizguan. NDL, moi, comme ze dame de ze QD Noëlès, à deux heureuses, ouatre et Zaverien Zoudlès, à Garstad Lactalis. À Benefins, au Bekav, d'Onem Glev, mais Pelle Monroise, Yann de Zigazek. Chomer à Reis, le Priselès, et vite paix en Hargou. C'est toujours arné que des chouroises, un affranzin. À vous clé de comme ce pas de pelle de zen avant. À même, ma même seconde, Halland Lars, mon, hitch, plus dur, warmar à de, hitch, zo, calze, zo, les, plus dur, de, l'arrêt, zo, les, vraiment, calze, à que, zé, j'ai, prise, wardrow, à que, c'est us au cul des nous, d'asquer, très, broduérien, kitch, à que, staliou, et vel, carrefour. Dans mon temps, moi, d'âge, un andro m'a besoin. Comme je vais calze, comme je vais roise, je roi, par appel, de ce que d'un entrise, bah, plaig mort la nuit. Un entrise, goudera d'un d'une du doigt remise, ou à péter et entrise, à gavé une plige de, évidigas ra d'un doigt, puis verre et un doigt. De la radé, puis vers Reis et leur PH. Cleve Muscals, Drow, Warzy, Ormar et Mans, Gevelard et un très on Thames, mais les que de Thames Guir, hein, mais de jugement de Egret, vie de Implicit Bopet, vie d'Igas, Raden Douar. Agerstal Khan, compagnie armoricaine de navigation, un USB d'un droite, Grand notre ou Macron au Blasso de Deno Trace de Splegmore Lanuen. A vraiment Erstal Cannes au Croc de Deno Zèbre, puis y en a une baie de notre. Grand en vague à zo Handvet, Côte de Bretagne. C'est souffrant, tu vois. Ag Vax Gazen Trace de Dreger P, de Landreger P de Zandmalo. Ag bon calze du de zoen bevel juste nommé pesqueterien divinerien en andro a cet us obé d'or manifestadec de zulon ege vis gwengolo ou gan bam la nuyen ag zo bé de pemi le du de enab de zé. Bon, gwelet vo pesabo de vo kon med de ministres en andro zo du gan en du zo manifesti de Ségolène Royal. Un bon Macron manque d'as de Chine, bon on que pèse un mot de vocal. Strolade Zévenad, vite change de changement de temps ou Arnendro même stra. Strolade Zévenadur le Brays, Zoormar et man aux classes d'Iba Borblanten, avait fait Arouezevro, qui nique Zobé d'Onebed, hein, Brug, Lan, Guider, Bob sort. Évident des clairs en trou, blanten, arwes des œuvres et l'an. Puis dur, calze varzet de scan de l'an, et vel, José Maria de Heredia, de scribe d'Asquire, les agents éclatants parurent du granit, d'or l'âpre sommet que le couchant allume. Les oquers, hein, c'est scribe mot. Ag, raison de gueur, bars, Toussaint le Garec, rien soit de skier grismoelou. Ag an eus grive kalz e draou e brezant e gvlour, an eus grive de gwerzenou, war e lan, ag evitant e lan ag e breizad zo evel daou breu, o vivant war mamez douar, a dindan ur mamez amzor. Toussaint le Garec, eus grive kalz e draou, hein, war natur. E lan, latin e ulex europaeus, non eus vekav e dam bavrou an me kaz. Speno Wenzo un mestra, Eura Blenio Bakreis Guan, Azezo Brau, a donné vé amzer, mais vé zo ya, va greiz de gouan, ba mis kierzu, ba mis siendur. Gwegel vije ro et land pilot yezek, pa de gouan, bon, zezo koz zo bal o leon an dans, a zo handvet pilor land. A me jonge de alise me zbekle dan mai penek de spurut, o kan an ur pilor land. Pilam douce et tralala, pilam blanc de blanc man, kamatrez en ben et blav, am que tout dre en man. Dernier en beuf vos débaisés, à dernier le vos marauds, à dernier le vos parties de gervigine drapeau. Zéwa, une danse pilaland. Zéwa bédiga, c'est dans me bavro, quand on a Blunbrug, juste, justement, quand on a strol à Blunbrug. Ag, land, j'ai pile, quand, gwegel gos, j'ai pile, quand on morzel, Banolo Ervin, hein, au Morzel Vigelard, Morzel Lan, hein, au Morzel Quat, gan, Pejohu Amtro Adro, à Waller, ou à B de, implige de, manège, gan Tiesek, vitreil, en mécanique pile Orlan. Bon, quoi, le dvot, pessa plante, dvot, là, que dvot, là, ouais. Dans mon temps, vraiment, war, d'achener politique, eres. Ben détient tambla, vos crou terre barouz neve ban département. Ma département au doux narvor. Parouz mur à Zangwen, vos lacs de sembles, et vite crou in or barouz neve, ag vos hands veut guerler dans. Jouar, p'dur, reuse au béganzive, mais de, me zang vos mire me mestra nang guerler dans. Zirai que pija dur de parouz ou trop wadro, mais, hands veut vous guerler dans. Hag bon, pevezel ma de rogen dispar, zan gwen oa o trev deus mur. Setu mont deud un trou oa o iz evel, oan gwegel. A ter bar ouz el, vo laket samblez vid ober ur bar ouz a vo handvet bon repos sur blavet. Oa an kepe sa mod vo lard in prezant eo. Hein? Petur, diskizoa dia. Y a un présent de Gnimlar et Bonar et Cuyem. Mais de bon, un terbarous l'aniscat à Perret à Zangelvan. Ag, bon, Zangelvan zobit déjà à l'aniscat. Gojel Gos, puis on a une trêve de l'aniscat. Mais Perret doit, on trêve de Zilviak, bah, zo vraiment, bah, morbien, y a. Ag, un tuel d'Orblav. Ag, un tuel, y a. Y a. Bon, quel veut tout, hein, pis ça m'a de vos comptes, quand, ben, bon, nabati, bon repos, bon peu de zola, que de vous de graisse, une bénéfine, de tout de bar ou ce, puis d'yon vos là, que de bon repos, sur Blavet. Un DL, moi, quand, comme je tarde de un distro school, ag, bon, on tombe de ce braison, ben, plus je dis vraiment, ben, et cresque d'un hiver en, Vugan à l'Héroise, puis jour, je dois en adoug un bugle au bascol plijdi, hein, puis soindra matré, à balarion, zo bédigor edo, au ninten diouyez, et vide skol vamp, gan triver bugle besan, à zé soindra bouyez, évidemment, évidor vro en même. Puis on noir d'âge en braison, glahar a débé tout de vraison et guerrien, Clève ou de Waed de Nana ou de Martial Ménard. Ag Martial Ménard, zon den an eus labour e kals, vid an brezhonek. Gant oa bep a Paris pempla trug en zo. Hag idud oa deus lanre la, ba pro ur mene, velard. Hein? Hag disk brezhonek gantan pe oa dro ugen la. Hag boe neus bep labour e kals au labour divin ne se grède ou à représenter, hein. Bédé Kélénère, badiwan, croue doit bégantant un team bande néré, un sport de spend de hugen là, mais de bon, bénéfine ou à bézeret, aga un team in bande, ne se bé d'im bande de calze droit ou à représenter, hein. D'ascruir en voriou, Jean-Maille de Guigné, ou à bé d'in, ou bé de Oliver Guerz, calze, hein. Ag Urbla... Mémoire d'un paysan bas breton. Mémoire d'un paysan bas breton, gars. Oiseau bras de laine. Ou bien trop aux bars. Urbla Perzega Perugen ou Abedimban de Gantan, Urgeria dur Brezondek, Brezondek Pendaben, puis dur beta vraiment, Guerilla dur yo Galak Brezondek, Brezondek Galak, mais asé, mon Brezondek Pendaben. Ag, bon, calz drawel ne sbegred, hein, crouen ou abed gant Charlie Graal, gazetten, hein, ou à Breiz Info, hag nevesoon, mais comme je disais, ar geria dur brezhonek, devri war ar roedat, zo bedim bon de nevesoon, an oa ket echu oaz, mais de bon, zo ar votud hag echu oze, men neus ket fin bet neus, vans best an mod o gant traouzizis. Bon, setu ur gwalgol e Martial Menar, me mestra vid an brezon hag a vid ur vro. Api an o komp ze de stud et un an an, Roger Kozler de Stremalgat, de zo et un an an en DL, a oa ye obidou ba Stremalgat, Roger Kozler ou un danseur dispar, pu dur, hein? Plin. Dans Plin a fissel, hein? Danseur dans fissel, hein? War plin neus bet de pemp ze kwe jor maout ba n'dan oud. Hag o yer ad oa gwell nan tansel en dans plin. Hag ben neus bet ur priz ive ba gwell fisel. Hag hez oa an den a oa tom deus un dreugen gol. An oa goul de vije bet zon er yen dreugen gol ba yo bidou a zizo koz oa daou zon d'un dreugen gol, bah. Oui. Ya, d'ailleurs, mis à Dominique, même grès d'un temps zon évitant, juste, bah très mal, gâte. Bon, bah, c'est un temps, peut-être zoné, mais bah, vro, trop drisso, mais trop plus jusel, zo, ras. Ah, ben, le végel, voilà, ras. Keno, Eri. Ya, tiens, végel, Morgane.